Alors, donc là, on enregistre. J'ai un vague souvenir d'une fois où, donc comme tous les dimanches, quand on habitait rue Vital, tu allais acheter... 36. Au 36 rue Vital. Tu allais acheter rue Paul de la Roche, oui, chez le boucher qui t'avait à la bonne. De la viande, et donc tu nous présentais le dimanche midi un rôti de bœuf dans le filet, voilà, avec des pommes de terre, et on s'en régalait avant de passer l'après-midi, Sabine et moi, à jouer, et en attendant le soir, de boire un chocolat que tu faisais fondre dans du lait. Mais ce jour-là, il y a eu un jour où, comme d'habitude, tu avais acheté ton rôti de bœuf, tu l'avais fait cuire 20 minutes dans le four, et alors là, il faut se rappeler quand même que le boucher de la rue Paul de la Roche était ouvert le dimanche matin. Oui. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure, et on a commencé à essayer de déguster ce filet de bœuf à table, et tout de suite tu as dit que, et là je te passe la parole, qu'il était... Que ça n'était pas du filet, c'était pas possible, compte tenu de l'aspect de la viande, et donc j'ai embarqué le rôti sous le bras, et je suis allée... Sous nos cris horrifiés, parce qu'on avait la viande dans nos assiettes, on s'apprêtait à manger. Voilà, donc il était déjà découpé, et je suis allée comme une furie, rue Paul de la Roche, chez le boucher, pour l'invectiver d'injures, parce que ce qu'il m'avait refilé comme étant du filet n'était pas du filet. Et donc je lui ai dit que s'il voulait le garder pour le déguster lui à son tour, il pouvait se le reprendre. Point. Et donc du coup là, il t'a donné un autre morceau de viande, parce que nous, qu'est-ce qu'on attendait rue Vital, et donc, alors, qu'est-ce qu'on allait manger ? Alors, il a dû me... J'ai un vague souvenir, mais il a dû dire que c'était peut-être son fils, mm-hmm, et qu'il s'était trompé. Son fils qui était très jeune à l'époque, qui devait avoir 15 ans ou 16 ans. Ah, oui, peut-être 18 ans. Ouais. Et donc, eh bien... Il l'a repris. Bah, tu étais une cliente régulière. J'étais une cliente. Très marie de perdre. Voilà. Donc, je lui ai dit que si c'était comme ça, je ne mettrais plus les pieds chez lui. Oui, je me souviens. Et il m'a dit que oui, oui, bien entendu. Et il m'a redonné un filet. D'accord. Donc, et nous, on a attendu... le temps que tu le fasses recuire, voilà, et néanmoins on a pu déguster, voilà, le repas dominical. D'accord. J'ai oublié son nom aussi. Il me semblait que c'était 12 rue Paul de la Roche, mais je crois.